Là-haut, la prochaine émission, c'est une présentation de MMANouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMANouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMANouvelle.com. Bonne émission. Oui, c'est parti, c'est la Voix des Guerriers, édition régulière, et probablement que ce sera l'émission la plus courte de l'histoire de la Voix des Guerriers. Mais d'abord et avant tout, on salue mon partenaire Fred, l'homme nouvelle, Garcia. Bonjour Fred. Salut Ken, je vais te mettre un peu là, sur le pied de la colline, là, puis je vais te dire, tu m'as toujours dit que tu étais un grand fan de Kong Lee, là, mais là je vois que t'as pas descendu tellement que ça dans les classements. Je pense que tu n'avais pas confiance dans ton gars. Oui, évidemment, on parle du classement du Paris virtuel MMANouvelle.com. C'est un rendez-vous à chaque événement. Il faut aller miser quelques crédits virtuels. C'est complètement gratuit, mais il y a beaucoup de plaisir que ça va vous procure. Effectivement, Kong Lee, c'est l'un de mes combattants favoris. Mais puis honnêtement, là, très mauvaise semaine pour moi. Dans mes quatre prédictions, j'en ai seulement qu'une qui s'est avérée correcte, mais évidemment. Vous l'avez tous deviné, ma prédiction signée Gisèle. Donc, c'est ma voyante qui m'avait recommandé de choisir Ronaldo Souza face à Matt Lindland. Et évidemment, comme j'ai une entière confiance en Gisèle, j'ai misé beaucoup sur Souza. Donc, ça fait en sorte que j'ai à peine reculé dans le classement. Mais du côté des autres combats, ce fut un échec total. Puis, bon, effectivement, j'adore Kong Lee. Mais là, je pense que tout le monde aura compris que j'ai pas eu une confiance pleine et entière envers l'Américain vietnamien d'origine, qui est spectaculaire, mais malheureusement pour lui, son combat s'est soldé par une défaite. Oui, ça a été un combat. Va falloir que je regarde les deux gars là à nouveau d'hier, parce que j'avais les yeux là splittés en deux. Puis ça allait pas très bien, j'ai manqué de l'action un peu des deux côtés. Mais c'est ça, c'était un combat où Kong Lee a dominé pendant deux rounds complètement. Scott Smith me décevait, moi j'étais fâché devant mon écran à regarder Scott Smith qui envoyait pas beaucoup de coups. Puis quand il envoyait des coups, c'était pas une bonne stratégie, je trouvais. Mais en fin de troisième round, il a trouvé une ouverture, puis il a mis Kong Lee à terre, puis après ça, il l'a fini de quelques coups, puis l'arbitre n'a pas eu le choix d'arrêter ça. Kong Lee était à genoux sur le ventre, là, puis il commençait à partir. Alors, Scott Smith, il montre une fois de plus qu'il était un guerrier, ça c'est officiel. Scott Smith a du cœur, on peut pas le nier. Mais point de vue stratégie, j'ai pas tout à fait aimé comment il a approché le combat. Mais évidemment, vous aurez compris qu'on vous parle du Strike Force et de la WEC lors de cette émission et de quelques petits potins ici et là. Alors, ça va ressembler à ça. Donc, de retour, Kong Lee face à Scott Smith, on vous parle tout de suite de ce combat-là parce qu'on commence notre émission par vous parler du Strike Force. Ben, Scott Smith, Fred, moi je te dis, a combattu comme Scott Smith l'a fait, comme je pense que UFC s'attendait que Houston Alexander sorte face à Kimbo Slice, sauf que Houston Alexander a décidé de se la jouer finement à la Lyoto Machida. Évidemment, il n'y a pas le talent ni le jeu de jump de Machida, alors ça n'a vraiment pas été payant pour lui. Et Scott Smith a tout simplement été Scott Smith, et c'est ce que le Strikeforce attendait. Il a livré encore un combat intéressant pour les spectateurs, pour les amateurs de combat, comme il l'a fait face à Robbie Lawler dans ses deux combats, l'un qui a été un no contest à cause d'une blessure, le deuxième, bon, il l'a perdu, mais ça a été quand même spectaculaire, son combat face à Benji Radac, où Scott Smith, à un moment donné, on a tous cru que ça en était fini pour lui, puis soudainement, renversement de situation, un peu comme hier face à Kong Lee, et Scott Smith avait battu Benji Radac, bon, depuis, il a perdu un combat face à Nick Diaz, qui est un vrai combattant de MMA accompli. Et là, face à Kong Lee, ben, honnêtement, j'ai de la misère à parler du combat en profondeur parce que j'ai les vus, mais sommairement. J'ai pas eu la chance de tout le voir. Je suis très déçu, évidemment, que Conley, l'un de mes favoris debout, ait perdu en plus debout face à Scott Smith, qui, ma foi, quand même, il faut le dire, le gars échange coup pour coup, il encaisse toujours très bien et il a des mains assez solides. Ouais, ben, je vais donner une autre chose à Scott Smith, c'est que avec ces genres de victoires-là, il est en train de se bâtir, si on veut, un genre de personnage ou un charisme ou ce que les amateurs vont sûrement l'aimer de plus en plus. C'est juste bon pour lui, puis tu l'as bien décrit. C'est un guerrier, Scott Smith. Il a resté devant Robbie Lawler, il a resté devant Nick Diaz. Il a pas peur de manger les coups puis de les encaisser, il est capable. Alors, non, Scott Smith, c'est un gars, disons, très tough. C'est juste que je suis pas un grand amateur de sa technique, si on veut. Là, c'est un brawler. J'ai pas un mot français, si on veut, un bagarreur, peut-être. Ouais, c'est pas nécessairement le technicien et le tacticien hors pair, mais le gars, il est là pour faire son travail, puis à chaque fois, ça nous donne un bon spectacle, et c'est garanti avec Scott Smith, ou argent remis. Alors, un autre combat, et Conley, à 37 ans, subit sa première défaite en combat professionnel. Il était invaincu en MMA, il était invaincu en K1, il était invaincu en Sanshu. Eh bien là, toute cette belle fiche immaculée, soudainement, il y a eu une défaite qui va lui faire mal. Et en 37 ans, moi, je souhaite et j'espère de voir Conley une autre et dernière fois, puisque Conley semble ne pas vouloir, ni peut-être pouvoir, parce que son agenda est bien rempli, pouvoir se consacrer à 100% à MMA. Moi, je lui demande, pour finir sa carrière professionnelle de combattant, d'essayer de se consacrer là, un 3-4 mois où il va faire juste ça, de l'entraînement, et pouvoir prendre un combat revanche face à Scott Smith et venger sa seule défaite. Puis après ça, Conley pourra faire des films tant qu'il voudra, mais là, moi, je souhaite de le voir dans un dernier combat. Et pour Scott Smith, maintenant, sa fiche est de 17 victoires, 6 défaites, mais comme je vous dis, à chaque fois, c'est des combats vraiment intéressants, spectaculaires, surtout debout, les échanges debout. Puis ça, ben, les Américains surtout aiment ça. Ça prend des gars comme Scott Smith pour mettre dans une carte. Je pense pas qu'il faudrait que tous les combats, les combattants ressemblent à Scott Smith parce qu'on serait plus vraiment dans le MMA où il y a des belles transitions debout au sol, des belles soumissions, du beau jeu au sol. Mais des fois, un combat spectaculaire comme ça, ça en prend dans un événement. Et ça fait en sorte que l'événement, vraiment, il y a rien, c'est pas un combat terne, comme malheureusement, parfois, on a l'occasion d'en voir. Pas très souvent, mais ça arrive. Mais avec Scott Smith, ça arrive jamais. Ouais, ben, avant de passer au combat de championnat, j'aime beaucoup Scott Smith. C'est juste, je pense pas que c'est un gars pour un main event, là, un combat principal. C'est surtout ça. Tu vois, justement, je pense que le combat de Melendez puis Josh Thompson, qui nous a offert 5 rounds là, d'action, t'as sûrement pas eu l'occasion, malheureusement, de le voir lui aussi très bien. Malheureusement. Ça a été là, une guerre pendant 25 minutes. Les deux se sont échangés aussi. Strikeforce nous a offert des bons combats hier soir. Melendez l'a remporté contre Thompson par décision. Les deux ont échangé coup pour coup. Le combat est resté principalement debout, puis il y a eu beaucoup d'action dans ce combat-là. Ah ouais, ben finalement, avant de parler du combat, on est déjà jeté dedans, puis on va en parler, t'as bien raison, Fred, puis je suis d'accord avec toi, le combat de Conley et Scott Smith aurait dû être, oui, dans la carte principale, mais on avait un combat de championnat qui devait être hautement de ça. Je sais pas pourquoi Strikeforce veut faire de Conley une vedette tant que ça, c'est plus le champion de la catégorie, effectivement. Moi, j'aurais vu ce combat-là bien avant. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va. Oui. Tu mentionnes ça, là. Tu vois, j'ai hâte au 30 janvier prochain, le prochain gala majeur qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont un challenger entre-temps, mais en tout cas, le gala du 30 janvier à Miami, l'affiche principale, le poster, en plein milieu, en gros, c'est Herschel Walker. J'espère qu'ils mettront pas Herschel Walker en finale de cette soirée-là. Ça serait... Parce que justement, tu l'as mentionné, le Strikeforce, j'espère qu'ils vont pas aller vers un aspect trop showman. Marketing. Ouais, c'est ça. Elite XC l'ont fait avec Kimbo Slice, puis ils se sont plantés. Exactement. Strikeforce doit pas commettre les mêmes erreurs. Ce serait abrutissant Et Herschel Walker, moi, je vais vous dire, là, je m'en fous tellement, mais il y a quand même un petit élément de curiosité. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle à Thomas Dieng, parce que oui, il y a un Strikeforce Challenger entre le combat de fin janvier, la grosse carte du Strikeforce. Il y aura un Strikeforce Challenger. On essaiera de parler à nouveau avec Thomas Dieng, peut-être pour voir qu'est-ce qui va devenir maintenant avec lui, c'est quoi son prochain combat, et peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ces deux coachs qui ont perdu malheureusement, et j'ai pas eu l'occasion de voir le combat Thompson-Melendez, rien, niet, je sais que Thompson a perdu, et ça je suis déçu, Strikeforce également, moi honnêtement j'aurais payé pour la carte, là, mais je suis déçu de pas avoir eu l'occasion de le voir. Parle-moi de ce combat-là, Fred, évidemment moi j'avais misé sur Josh Thompson, mais Melendez l'a prouvé lorsqu'il a pris sa revanche sur le Japonais, qu'il était un combattant vraiment amélioré. Est-ce que tu t'es aperçu hier que Melendez était rendu trop fort pour Thompson? Non, pas du tout, pas du tout. Ça a été un excellent combat. Au premier round, Thompson a même gagné le premier round, je pense. Mais comme je te dis, il va falloir que je regarde les deux gars-là, moi aussi, à nouveau, parce que c'était pas facile d'avoir l'attention sur deux gars-là. C'est ça, Thompson est sorti fort au premier round, puis après ça, Melendez, le reste du combat a semblé prendre un peu plus le contrôle, il a pogné confiance. L'action, comme je te dis, je pense qu'elle avait été principalement debout. J'ai oublié c'est quoi qui se passait. Je pense que c'était en même temps la WEC, il y avait le gros combat où il y avait un bon combat. Alors, moi non plus, malheureusement, j'ai pas toute l'action en tête de ce combat-là. Ah ben c'est malheureux, mais on a les résultats quand même pour vous. C'est sûr, c'est plate qu'on puisse pas vous en parler plus que ça. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu l'occasion de revoir les combats, puis on est le dimanche matin, les événements viennent juste de se dérouler. Alors, on peut vous dire que Gilbert Melendez a vengé toutes ces défaites qu'il avait subies. Il y en avait seulement deux face au Japonais Michihiro Ishida. Ça, il l'a vengé, puis il vient de venger celle face à Josh Thompson par décision. Mais Et tu demandais s'il y aurait un troisième combat. Moi, je pense que oui. Thompson, comme je dis, a très bien fait. A survécu. Les deux ont montré d'excellents mentons, parce que je me rappelle d'échanges. Alors oui, c'est à peu près sûr qu'il va avoir un troisième match. J'espère avant que Melendez va affronter Aoki. Ça serait encore plus intéressant. Puis que le gagnant Aoki, Melendez affronte Thompson après, ça donne les 6 prochains mois, environ 8 prochains mois avec des combats intéressants pour Strikeforce chez les poids légers. Oui, ah, je suis d'accord avec toi. Puis Aoki, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire face à ces Américains-là. Décision 48-47, 49-46, 49-46. C'est la décision des trois juges en faveur tous de Gilbert Melendez, qui est maintenant le champion incontesté de la catégorie des 155 livres du Strikeforce. Maintenant, Ronaldo Jacare Souza face à Matt Lindland. Lindland, 39 ans, de la Team Quest. Et je dois dire, hier soir, et ça c'est un combat que j'ai vu dans son entièreté, Matt Lindland avait l'air de ses 39 ans. Ronaldo Souza, incisif avec ses coups debout, ses mains étaient plus rapides, ont percuté à l'occasion Matt Lindland, bien que Souza, c'est pas nécessairement un combattant debout de haut calibre. Là. C'est évidemment au sol qui est une machine, et ça a été un beau combat où Souza a dominé complètement. Oui, ben tu vois, tu viens de me faire sourire quand t'as dit que Matt Lindland a paru son âge, parce que oui, il a paru son âge, mais en même temps, je trouve que on a vu que c'était un vétéran au sol, parce que oui, Souza a eu la domination, mais Lindland trouvait comment rouler aussi. Mais c'est ça, malheureusement, je pense que Souza était, si on veut, dans sa carrière à un niveau plus compétitif. C'est pas le top Matt Lindland qu'on a vu. Et ça va être intéressant. J'ai hâte de voir Souza contre d'autres gars. Point de vue de Jiu-Jitsu, c'est sûr. T'en parlais dans les dernières semaines, puis on l'a vu, là. C'était quelque chose d'impressionnant. Alors, j'ai hâte de voir c'est quoi qui l'attend. Lui, j'imagine, ça serait Dan Anderson, peut-être, ou Jake Shields. Mais là, en ce moment, on dirait que ces deux-là vont s'affronter. Ça va être Jason Miller, probablement, son prochain combat. Je sais pas si ça va être en Amérique ou au Japon, mais c'est sûr que ces deux gars-là doivent se retrouver pour un troisième affrontement. Le dernier, malheureusement, il y a eu un no contest à cause d'un coup de pied illégal de Miller qui avait atteint Souza. Puis bon, il y avait trop de sang, là, on avait dû arrêter le combat. Je pense que ces deux-là doivent se retrouver. Et Souza, je pense, va faire ce que Jake Shields n'a pas réussi à faire à Jason Miller, c'est-à-dire d'aller chercher une victoire convaincante. Oui, ben tu vois, tu mentionnes ça, puis C'est ça, après avoir vu Souza hier, puis avoir vu Jason Miller il y a quelques mois, je ne sais pas si c'est un combat que je veux vraiment voir, mais il me semble que c'est ça, Souza serait plus intéressant contre des plus gros noms, mais si c'est ça, c'est ça. On va voir la transition que Strike Force nous offre pour lui, là. Ouais, mais honnêtement, moi, Jason Miller, je le vois parmi des très bons combattants, là. Je le sous-estime pas. Il y a beaucoup de talent, Jason Miller. On l'a vu face à Jake Shields offrir beaucoup de compétition où Shields a réussi à le contenir, mais sans plus, là. Il n'y a pas vraiment eu de moment convaincant. Shields, oui, il a contrôlé le combat puis il l'a remporté, mais Miller, c'est un gars qui est dangereux. Effectivement, j'ai hâte de voir Souza également face à Jake Shields. Deux grappleurs de haut niveau, mais je pense que Souza est supérieur à Jake Shields. C'est un combat que j'ai bien hâte de voir. Puis évidemment, il y a Dan Anderson dans tout ça. Beaucoup de combats intéressants à venir pour le Strike Force aux alentours de la catégorie des 185 livres. Dans le cas de Matt Lindland, qu'est-ce qui va l'attendre? Je pense qu'évidemment, ce n'était pas nécessairement un combat facile pour Lindland. Parce que Lindland, sa force, évidemment, c'est sa lutte. Et là, dans ce cas-ci, amener Souza au sol, il était peut-être pas nécessairement plus avancé. D'autant plus, il a essayé, à un moment donné, il y a eu presque le dos de Souza, puis il a tenté de l'amener au sol, mais Souza a réussi à se sortir de cette position périlleuse-là. Alors, Lindland, je pense, un gars face comme Scott Smith, peut-être, c'est peut-être plus une confrontation qui serait à son avantage. Debout, évidemment, Smith serait supérieur, mais Lindland, en sa qualité de lutteur olympique médaillé en plus, pourrait évidemment tenter d'amener son adversaire au sol puis finir ça au sol à la bonne vieille méthode de Team Quest. Bon, d'après moi, Lin-Lin l'emporterait, comme tu dis, à cause de sa lutte, mais je pense que peut-être la retraite aussi s'en vient pour Lin-Lin. Je ne sais pas, faudrait voir. Je connais pas le genre de personne que c'est, mais avec le fait qu'il s'est présenté en politique et des choses de même, je me dis peut-être que c'est pas un gars qui non plus qui a besoin de combattre pour survivre. Et peut-être qu'on va le revoir, mais ça sera pas non plus dans des super de gros combats, là. Ça va être des genres de match-up intéressants comme qu'il y avait aujourd'hui hier avec Souza, d'après moi. Ouais, mais Lin-Len, à l'instar de ses deux anciens, ben son comparse actuel Dan Anderson et son ancien comparse Randy Couture, c'est trois gars qui sont un âge assez avancé. Lin-Len et Anderson, je pense, ont 39 ans chacun. Bon, Couture, tout le monde le sait, est rendu à 46 ans. Mais ces trois gars-là se ressemblent en plusieurs points. Donc, évidemment, un énorme bagage de lutteurs. Puis les trois aiment la compétition. Puis c'est pas le genre de gars comme Matthews, là, peut-être, qui vont vouloir juste être là pour combattre. Ils veulent la plus grosse compétition possible. Couture, vous y donneriez Brock Lesnar 10 fois consécutifs. Puis même s'il perd les 9 premiers combats, il va vouloir faire le 10e face à Brock Lesnar. Dan Anderson, c'est la même chose. Pourquoi il est pas avec le UFC? Il y avait probablement une question monétaire, ça c'est sûr. Mais Anderson voulait, je pense, absolument une revanche face à Anderson Silva. Il veut pas un combat comme ça juste pour aller chercher de l'argent. Ces gars-là sont, je pense, Oui. c'est des véritables guerriers qui veulent des vrais combats. C'est sûr, t'as raison. Puis je pense aussi justement, c'est ça que Matt Lin-Lin, c'est un gars intelligent. Puis il va falloir qu'il mette sa carrière en face à dire, je veux-tu dédier pour être un combattant? Parce que justement, il faut qu'il pour être au top niveau, faut se dédier tout son temps pour être pour atteindre le top niveau. Alors ça va être une décision pour Matt Lin-Lin, voir si au point où ce qui est dans sa carrière, est-ce qu'il veut dédié tout ce temps-là pour son Ouais. entraînement ou il y a d'autres choses, d'autres plans de carrière. Honnêtement, moi, encore une fois, ces trois gars-là, j'ai pas de doute de leur entraînement. T'sais, Anderson, Couture a fait des films entre-temps, mais il est toujours parfait, un conditionnement physique impeccable. Puis Lin-Len, je pense que c'est pareil, je le vois souvent dans des coins de certains combattants, parce que lui, il a une succursale de la Team Quest en Oregon, il a des élèves. Lin-Len, il a participé aux Olympiques, je pense qu'il sait l'importance de l'entraînement. Puis bon, oui, il s'est présenté en politique. Je me demande si c'était pas. En tout cas, puis il s'est pas rendu plus loin parce qu'il avait gagné l'investiture de son parti, qui était, je pense, je sais même pas si c'était les démocrates Républicain. ou les républicains, mais il a pas remporté il a pas remporté ses démocrates qui l'avaient emporté sur lui. Puis de toute manière, là, on s'en cachera pas. Les politiciens en tout cas, je suis sûr que Lin-Lin était vraiment s'entraînent très bien. Moi, j'ai pas de doute sur les gars sur Couture, sur Anderson, sur Lindland. Ce sont des gars âgés qui connaissent la game. Dans le cas de Lindland, est allé aux Olympiques, a gagné une médaille. Je pense ouais, que c'est ben c'est la important. dernière année qui me fait aussi peut-être penser ça que parce qu'il n'a pas été beaucoup à l'action et un KO contre Belfort et hier une défaite rapide. Alors c'est sûr que la dernière année me donne une impression d'un gars qui est sur la fin peut-être. Mais non, t'as raison, c'est sûr que Lindland c'est un excellent combattant quand même là. Ah, je suis d'accord. À cet âge-là, t'es toujours sur la fin. À moins de t'appeler Randy Couture puis nous faire des surprises comme ça d'année en année. Et, mais aussi, à cet âge-là, je pense pas que tu puisses te permettre de combattre 6-7 fois dans l'année, là. Ce serait un rythme de fou. Puis, évidemment, après son combat, moi, après son combat face à Vitor Belfort, là, je me posais de sévères questions, mais il est revenu dans l'action. Puis, ben, je suis bien curieux de voir qu'est-ce qui va se passer avec Matt Lindland. Et ce qui est sûr, c'est que Ronaldo Souza, moi, je pense qu'il peut être un dangereux combattant dans cette catégorie-là pour Strikeforce. Puis, je le préfère de beaucoup à Jake Shields, qui m'a l'air quand même de charmant garçon. Ouais. Et il ben, faut le dire, là, ça s'est terminé par soumission. Ronaldo Souza, encore une fois, qui finit son combat par soumission. C'est sa 10e victoire suite à une soumission et sa 11e victoire au total. Lui qui a 2 défaites. L'une de ces défaites-là, c'était face à Gérard Mousasi. Et son autre, c'était contre un gars qui s'appelle Giorgio Pettino. Et ça fait très, très longtemps. Mais depuis, c'est qu'il y a 2 victoires ou à peu près. Sauf le no contest face à Jason Miller. Et dans ce combat-là, qui a duré 4 minutes 18, puisque ça s'est terminé par étranglement triangulaire à l'aide des bras, un arm triangle au premier engagement. Mais avant ça, Souza avait eu la chance de tenter 2 magnifiques soumissions qui se sont presque conclues à ce moment-là. Clé de bras où Matt Lindland s'en est sorti in extremis. Mais après ça, un omoplata. Et là, il faudrait que je revoie comment Lindland a pu se sortir de ça, mais ça aurait été une fin heureuse, là, un omoplata de toutes les beautés. Mais bon, Lindland a réussi à s'en sortir, mais c'était seulement pour que quelques secondes plus tard, Souza puisse se soumettre d'une autre manière. Moi, je pense qu'il avait étudié le combat là, d'il y a une couple de semaines de Kimbo puis Houston Alexander. Là. C'est là qu'ils ont pris leurs aptitudes au sol. Ben, c'est un bon point que tu apportes. Là. C'était vraiment un vrai combat d'élite de MMA. Puis Strikeforce nous a donné ça hier en Souza puis Ellen Lane, ce qu'on n'a pas retrouvé en Kimbo Slice et Houston Alexander. Ouais, et il reste juste un autre combat qu'on n'a pas parlé encore, c'est King Mo. Je sais pas si t'as vu ce combat-là. Ouais, je l'ai vu celui-là. Puis honnêtement, Mohamed Lawal, moi, j'avais dans une autre émission ailleurs, j'avais dit c'était le gars à surveiller en 2009. Puis je le connaissais pas très très bien. Hier, je l'ai vu, puis oh, il m'a l'air d'un gars désagréable. Puis évidemment, moi j'avais misé sur Mike Whitehead qui s'entraîne avec Wanderlei Silva maintenant. Et je pensais que Whitehead aurait eu le déçu debout, mais ça s'est pas avéré. Lawal qui l'a terminé, les mains étaient lourdes, puis KO grâce aux mains de Mohamed Lawal qui remporte la victoire. Ouais, ben tu vois, quand tu m'as dit jeudi ou vendredi, quand on a fait l'émission de pré-Strikeforce, que Whitehead pesait 260 ou 261. J'avais pas réalisé tout de suite, là. Je me rappelais qu'il avait combattu Randall Mann, mais c'était à 205 livres. Puis là, j'avais pas réalisé à quel point qu'il avait gagné du poids en une couple de mois. Et Whitehead, il semblait pas très en forme tout de suite à le voir. Puis tant qu'à Lawal, moi aussi j'ai pas beaucoup aimé Mohamed Lawal hier, principalement parce que j'espère qu'il gardera pas ses mains basses de même contre un vrai striker, parce qu'il va se faire mettre KO assez vite. Il avait tendance là à garder toujours ses mains basses, puis à narguer, si on veut, l'adversaire là, pour le. Peut-être c'est ça qu'il voulait, amener Whitehead agressivement, mais en tout cas, il est mieux d'améliorer son stand-up, parce que même s'il y a eu une belle combinaison pour mettre Whitehead à terre, moi, j'ai pas été très impressionné par son stand-up, je veux dire. Ouais, ben moi aussi, mais alors les deux jeunes hommes de 28 ans ont livré une bagarre qui a pas été très longue. 3 minutes 8 du premier engagement, Lawal a disposé de Whitehead, et Lawal demeure invaincu. Une 6e défaite, une 5e par KO du côté de Mike Whitehead, qui a quand même une fiche intéressante, un gars de 28 ans, mais avec beaucoup d'expérience, mais il encaisse sa 8e défaite. alors que qu'il a 24 victoires à son actif. Oui, peut-être juste pour finir, le prochain gala majeur, ça va être le 30 janvier, comme on disait tantôt. On va en parler peut-être un peu plus des différentes rumeurs. Il y a plus tard, il y a Nick Diaz qui va être là, puis il y a Christian Santos aussi qui va être là avec Herschel Walker. Alors, dans le prochain bloc, tantôt des nouvelles, on va parler de qui ils vont affronter. Oui, et Daisuke Nakamura, pour finir sur cet événement-là, a remporté son com a perdu son combat plutôt par décision. Alors Nakamura était celui qui avait vaincu de manière très serrée Farid Kader dans un événement de M1 Global. Alors, c'est ça pour l'événement d'hier qui s'était déroulé à San Jose, un événement de Strike Force. Et on a hâte de revoir Strike Force à l'action. Ça s'en vient le 30 janvier, puis on va en parler un peu plus tard dans les potins de notre ami Fred. Mais maintenant, on va passer à l'autre événement qui tenait également lieu, pas lieu, mais plutôt au même moment que la WEC. Cette fois-ci, c'était à Las Vegas, au Nevada. Et honnêtement, c'est l'événement que j'ai eu l'occasion de me concentrer le plus, puis je l'ai vu puisqu'il s'était présenté ici sur TSN 2. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça vraiment, des athlètes accomplis, rapides, des explosions, vraiment un bel événement. Et commençons déjà tout de suite avec le combat principal où Donald Cerrone a réussi à aller chercher une belle victoire, un combat explosif. Face à Ed Radcliffe, qui encaisse sa deuxième défaite seulement, lui qui n'a que 26 ans, et Donald Cerrone, qui est âgé exactement du même âge, qui s'entraîne avec Greg Jackson, lui va chercher une 11e victoire et de belle manière par surcroît. Vraiment un beau combat. Fred, comment t'as apprécié ce duel-là? Ouais, ben Radcliffe, premièrement, m'a surpris au premier round. Il est sorti, puis il a même, disons, Ébranlé. ébranlé, c'est ça, Cerrone, ou ce qu'on pouvait voir, Cerrone, il a perdu confiance pendant une couple de minutes. Par après, il a repris sa confiance. Je sais pas si c'est les coups en dessous de la ceinture qui l'ont aidé ou pas. Mais ça, comme tu as dit, ça a été un excellent, excellent combat. Puis Radcliffe m'a surpris avec sa défensive quand même, les quelques. Une fois au sol au troisième round, Cerrone l'a fini. Mais avant ça, Radcliffe s'est fait un nom, puis il va se mériter un autre combat dans la WEC, c'est sûr. Et moi, ce Ronnie, tu vois, j'aimerais ça le voir descendre à 145. Je sais que la WEC continue à avoir l'idée que les 155 ont une certaine valeur pour eux, là, mais moi, ce Ronnie, je le trouve excellent. Ça serait ou bien je voudrais le voir dans l'UFC ou bien à 145 livres, là. Oui, vraiment intéressant comme duel. Puis je connais très peu de choses sur Ed Radcliffe, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui a fait des arts martiaux. C'est un gars Peut-être de du taekwondo. Taekwondo. Ah, ben tu vois, c'est ça que j'allais dire, là. J'ai remarqué ses coups de pied. C'est rapide, tout ça. Mais par contre, au début du premier round, effectivement, il était très explosif. Mais on a vu la qualité de ses coups de pied, la qualité également de sa performance. Diminué durant tout le combat. Au début du deuxième, au début du deuxième, il est peut-être sorti également assez fort, mais après ça, c'est Cerrone qui avait l'avantage plus le chronomètre avançait. Ouais, c'était la première fois, si on veut, qu'il était sur la grande scène. Alors peut-être qu'il a mal géré son énergie et tout. Tu parlais des coups de pied, c'est vrai, des deux bords, là, les coups de pied aux jambes étaient solides. Cerrone aussi, plus tard, en a lancé une coupe, là. Cerrone, malgré que son stand-up est pas le meilleur, j'aime bien comment il lance justement ses coups et tout. Il y a un style que j'aime voir. Des belles combinaisons, les deux gars utilisent bien les deux jambes. Puis Cerrone, à son avantage, c'était lorsqu'il était en accolade le Thaïlandaise en clinch là, vraiment percutant avec ses coups de genoux. Plusieurs ont touché la cible. Malheureusement, à trois occasions, il a touché les parties d'Ed Radcliffe là, mais je pense que même à ça. Il y avait quand même un avantage sérieux là du côté de Cerrone. Puis Radcliffe, évidemment, avec son bagage, comme tu nous dis, en taekwondo, a pas nécessairement l'expérience du combat rapproché comme ça. Probablement maintenant qu'en MMA, oui, mais Cerrone, on a vu, il était encore plus accompli dans cette longueur, dans cette distance de combat-là. Et maintenant, Fred, tu m'entends toujours? Oh, excuse, Oui, ok, parce que le parfait. Non, téléphone a sonné en même temps, je suis désolé. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, Cerrone qui remporte le combat Il était incisif, debout, des coups de pied virulents, des belles échanges, puis gagnait en assurance plus le combat avançait. Quand il a été ébranlé au premier engagement, il a eu l'intelligence d'essayer d'amener le combat au sol. Il n'est pas peut-être pas parvenu comme il le voulait, mais ça lui a permis de récupérer, de reprendre ses esprits. Puis au troisième round, on voyait un Radcliffe vacillant quelque peu, puis amener ça au sol, étranglement arrière de toutes les beautés. Mais Radcliffe a démontré qu'il avait beaucoup de talent, du potentiel, qu'il y avait un gros cœur. On l'a vu au sol résister le plus possible à l'étranglement arrière, mais à un moment donné, c'était devenu impossible pour lui. Puis il a tapé la dernière seconde avant de partir dans les vapeurs. Alors, une belle victoire, un beau combat, un vrai combat de MMA. Donald Cerrone l'emporte au troisième engagement à 3 minutes 47 sur Ed Radcliffe. Oui, le combat d'avant, je pense que t'as aimé ça, le KO qu'on a vu ou... Non, très déçu, évidemment. Moi, j'ai un grand fan du Canadien, Chris Sorodecki, qui s'entraîne avec Sean Tompkins. Et très déçu de voir le jeune homme de 22 ans. Et là, j'ai un conseil à Chris Sorodecki. Il doit absolument écouter le plus de films d'horreur possible dans les prochains jours. Écoute, c'est évident, là, il a eu l'air d'une vraie blonde dans ce combat-là. Dans tous les films d'horreur, là, il y a tout le temps la belle blonde au début du film qui se fait tuer par le méchant parce qu'elle essaie de s'enfuir en courant. Et l'agresseur, dans tous les cas, il va vous rattraper par en arrière, il va vous planter un couteau dans le dos, c'est toujours comme ça. Il faut faire ça à la sauce Jean-Claude Van Damme et de confronter son agresseur. Puis Jean-Claude, il remporte à chaque fois tous les duels comme ça. Et Chris Sorodecki, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? S'est retourné, s'est enfui comme une belle blonde dans un film d'horreur. Et Ocgjokone l'a poursuivi tel un agresseur dans les films d'horreur, là, dont je dirais pas quel, je dirais Halloween ou peu importe, là. Et il a botté la face sévèrement, mais Sorodecki, scellé d'encaisseur qu'il est, je pense qu'il aurait aimé que ça se finisse là. Mais il est pas parti totalement et Jocani en a profité pour le marteler encore d'autant plus au sol et le pauvre Canadien a mangé une raclée pas possible. Ouais, ben moi je vais donner surtout le crédit à Joe Cani parce qu'il a réagi tout de suite. Il a pas pris le temps de réaction a été super. On peut voir ça des fois, des gars qui vont se faire sonner puis vouloir prendre quelques pas par en arrière, mais le temps de réaction de Joe Cani a été vite et Oradoki s'est fait prendre, alors il était sonné, je pense, avant ça un petit peu, puis là, il a Ouais, voulu mais reprendre son souffle. le problème, Fred, c'est Oradoki, il a pas fait des pas vers en arrière, il a fait des pas vers l'avant, mais il s'est retourné, il était dos au combat. Ouais, je sais. Incroyable, tu peux pas faire ça, tu fais même pas ça au hockey, tu fais pas ça dans aucun sport de contact, encore moins à MMA. C'était sûr, à 100%, c'est toujours comme ça, avec Tommy Boy, là, il est assez âgé, là, des films d'horreur. Tu vas voir, je te dis, ça se termine comme ça. Tout le temps, l'agresseur, il va te planter un couteau dans le dos. Giacconi avait pas de couteau, mais il avait sa jambe, puis c'est encore plus violent. T'as botté ça, incroyable. Chris Sorodecki, à quoi qu'il a pensé, mais moi, je suis convaincu, c'est le genre d'erreur qu'il ne commettra plus. Mais quel cas, incroyable. Ouais, Moi, ben. ça me fait penser au combat Eve Edwards face à Josh Thompson, mais là, hier, c'était encore plus flagrant quand Radecki là, a fait une erreur magistrale. Ouais, mais tu vois, je suis en train de revivre la scène là, dans ma tête en même temps. Puis c'est ça, je me rappelle, j'ai vu le KO. Puis il va falloir que je regarde les deux gars-là à nouveau. Parce qu'il y avait Thompson puis Melendez qui échangeaient coup pour coup en même temps aussi dans ce combat-là. Mais t'as raison, j'ai pas vu exactement comment il a reculé au Radecki. J'ai vu le KO arriver vite. Et en tout cas, Andrew O'Connor, il va falloir voir son prochain combat. Ça va être intéressant. Je sais pas qui vont mettre devant lui à 155 livres, les deux. Amener tout ça dans l'UFC, là, ça va amener du nouveau sang. Ouais. Peut-être, oui, je sais pas si à quel point ces gars-là peuvent se débrouiller au sol, parce qu'il a subi deux défaites en carrière, notre ami Jacquani. Les deux fois, c'était par soumission. Une fois contre Donald Cerrone, l'autre face à Ben Anderson. Mais hier, évidemment, avec l'allonge qu'il avait, vraiment, qui était tout à son avantage, le gars combat à 155 livres, mais il mesure 6 pieds et 2. Évidemment, du côté, de la portée, il avait un avantage marqué sur Chris Oradeki. Debout, Jocconi a eu l'avantage assez tout le long. Howard Hudecky a eu ses beaux moments, mais c'était pas suffisant. Ouais, d'après moi, je regardais justement Radecki, puis d'après moi, il devrait considérer même descendre à 145. Ça serait un poids, je pense, qu'il peut atteindre. Ouais, ben Ronicky, effectivement, il y a toujours probablement que ça peut être possible dans son cas, mais c'est un gars qui a quand même une bonne shape. C'est Joe Coney quand même, qui est très grand, puis évidemment, debout, ça lui donne des outils remarquables. Et Ronicky, parce que évidemment, d'habitude, c'est un bon combattant debout, mais hier, on a vu, il avait affaire à quelqu'un qui était supérieur à lui à ce niveau-là. Il a tenté d'amener le combat au sol en vain. Joe Coney, lui, a emmené cette année, alors que Rodecky tentait désespérément de l'amener au sol. Puis Joe Coney, un petit mouvement, puis Rodecky s'est retrouvé au sol. Joe Coney, tout de suite en position montée. Rodecky a réussi à s'en sortir, mais après ça, c'est à ce moment-là, alors qu'il se relevait, il a tourné le dos, puis il s'est enfui, je vous le dis, comme une blonde d'un film d'horreur. Et Joe Coney est allé le rattraper, lui a botté la face. Oh, quel coup de pied percutant! Il faut que vous allez voir cette scène-là violente. Et le Canadien a subi une défaite. Il va s'en souvenir encore longtemps. D'ailleurs, il va avoir les traces de ce combat-là, je pense, pour plusieurs semaines encore. Et dans le cas de Joe Coney, qui sera son prochain adversaire. J'ai bien hâte de voir ça. Le gars à 6 pieds et 2 est un géant en grandeur dans la catégorie. Debout, on a vu qu'il avait des bonnes qualités. Mais voyons voir ce qu'il va faire, peut-être face à un gars habile et un bon lutteur. Maintenant, dans la catégorie Bantamweight, il y avait Joseph Benavidez, 25 ans, qui affrontait Rani Yahia, la machine à soumission, qui avait 14 de ses 15 victoires grâce à des soumissions, mais qui avait quand même 4 défaites à son actif. Et Benavidez, lui, qui n'avait qu'une seule défaite, c'était face à Dominic Cruz. Eh bien, hier, il est allé chercher une victoire, une 11e dans son cas. Et ça a été un coup de puissance lancé par Benavidez qui a ébranlé Rani Yahia. Et ensuite, il a fini ça au sol. Belle victoire pour Benavidez, assez rapidement, 1 minute 35 du premier round. Ouais, deux choses. Premièrement, je pense que Benavidez avait le style parfait pour un style comme Yahia. Yahia, en gros, c'était vraiment une soumission qu'il fallait qu'il ait besoin. Puis, dans ce temps-là, je pense qu'il faut que. En tout cas, j'aime bien quand un gars va être bien agressif ou ce qui donnera même pas le temps à l'autre de tenter une soumission ou de tenter quoi que ce soit. Et c'est comme ça que Benavidez, il combat toujours. Je sais pas si tu as trouvé que le combat était peut-être arrêté un peu vite. Je pense pas parce qu'il était assez knocké, mais peut-être que le combat était arrêté un petit peu vite, j'ai trouvé, là. Ouais, ben c'était une femme, l'arbitre, hein, tu sais? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai absolument rien contre ça. Non, non, C'était non une femme plus. l'arbitre, pour vrai? Ouais, absolument. Non, non, j'ai absolument rien contre ça. Je sais que c'était une femme l'arbitre. Je vais juste le mentionner là parce que les autres coups avaient pas de l'air à avoir connecté plus que ça non plus. Ben, honnêtement, je pense qu'elle s'est interposée trop rapidement, mais au moment où elle allait s'interposer, il y a un coup, je pense, qui avait vraiment sorti Rani Yahia, là. De toutes les manières, je pense que Benavidez. Il aurait eu l'occasion d'en lancer quelques coups supplémentaires, puis c'était terminé pour Rani et Yaya. Oui, et juste une dernière chose, la madame arbitre, elle est vastement, grandement supérieure à Dan Mirigliotta, là, le grand gros qui a de l'air d'un gros nounours dans la cage. Oh, Takeya Mizugaki affrontait Scott Jorgensen. 7-3, c'était l'affiche avant le combat pour Scott Jorgensen. Et devinez quoi? S'est rendu maintenant à 8 victoires et 3 défaites, puisqu'il a disposé par décision unanime, si je me trompe pas, 29-28 chacun des juges en faveur de Jorgensen qui a disposé de Takaya Mizugaki. La mâchoire de Mitsugaki, t'as-tu impressionné? Elle a été mise à l'épreuve à tous les cas. Est-ce qu'elle m'a impressionné? Ben, j'ai trouvé, moi, pas tant, là. En tout cas, il a mangé des bons coups, puis il a pas lâché. Moi, Jorgensen a gagné le combat, là, mais je veux dire, Mitsukagi, il a du cœur, puis il est dur, lui aussi. Il est tough, là. Oui, je suis d'accord. Il a Je pas suis d'accord. lâché tout le long, là. Comme tu disais au début, là, je pense que tu vas devenir un amateur de la WEC. Tu avais l'air à aimer le gala en général. Puis c'est tous des bons athlètes rapides, comme tu as dit, là, avec un bon cardio. Toutes les rounds sont à haut tempo. Alors, non, moi aussi, j'aime bien la WEC, là, puis j'espère que tu vas en écouter de plus en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis quand on regarde The Ultimate Fighter 10, le final, je pense qu'on n'avait pas d'athlète comme on a retrouvé hier dans la WEC, des gars vraiment des véritables combattants à MMA. Puis j'ai rien des fois contre un gars qui est peut-être pas aussi versatile que les gars qu'on a vu hier, là, comme un Kimbo Slice, mais il faudrait pas en mettre trop dans un gala du UFC. À l'occasion, on peut se le permettre, un petit plaisir pour les amateurs de combat qui aiment le voir des combats sanglants, sans nécessairement vraiment être des connaisseurs de MMA. C'est ces gens-là qui vont découvrir le MMA, il y a une partie d'eux qui vont apprécier le MMA par la suite. Alors, je peux comprendre ça. Mais à un moment donné, dans une carte, lorsqu'on nous présente, parce que dans The Ultimate Fighter 10, on a vu quelques combattants, je pense, qui n'avaient pas leur place. Ouais, non, mais t'as raison là-dessus. Alors, c'est pas mal terminé. Peut-être quelques le reste des... Les bonus, rapidement, je sais pas si c'était ça. Moi, je les avais, 2 minutes. Oui, ben, c'est combat de la soirée, Fred, qui... Il y en a deux, finalement, parce que c'est ça, hier soir, quand je l'ai écrit, j'étais pas sûr. Il y a Donald Cerrone et Ed Ratcliffe, puis Takeya Mitsugaki et Scott Jorgensen, qui ont été tous les deux combat de la soirée. Alors, ils reçoivent tous les quatre 10 000 $. Brad Pickett a eu la soumission de la soirée, et Anthony Njokuani a eu le KO de la soirée, lui. 10 000 $ pour chaque. Oui, et Chris Araneki, lui, va se mériter quelques repas liquides pendant quelques semaines grâce à ce KO-là. Du côté de Brad Pickett, lui et sa soumission. Ah oui, je l'ai vu, sa soumission en plus. Une espèce de soumission, une guillotine là, extrême. Comment on appelle ça? Une guillotine, un étranglement pelvien là, de toutes les beautés. Et là, ça tordait pauvre Kyle Ditz qui a pas eu le choix d'abandonner. Et ça en était fait. Alors vraiment là, un bel événement. Oui, alors là-dessus, je pense qu'on peut se permettre un petit rafraîchissement. Et on revient dans quelques instants pour la suite de cette merveilleuse émission qu'est La Voix des Guerriers. On continue la voie des guerriers. Il reste plus grand temps. Il nous reste quelques minutes pour vous divertir, pour vous informer surtout grâce à qui? Showman, l'homme nouvelle lui-même, le créateur, le géniteur, lui qui a créé le pari virtuel, le quiz sur MMANouvelle.com. Fred, l'homme nouvelle Garcia. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine là, qui pourrait susciter de l'intérêt de nos auditeurs? Mais là, tu m'as fait une belle pub, là. Je vais juste faire une petite parenthèse, là. Je vais faire un teaser. Juste dire que je suis en train de travailler, là, sur un nouveau projet. C'est pas tout à fait, là, MMA, mais c'est un gros projet qui pourrait quand même intéresser bien du monde. Puis c'est ça. Alors, juste un petit teaser. Ça va prendre encore facilement un mois avant que ça soit prêt, là, mais je pense que je vais avoir quelque chose de nouveau qui n'existe pas sur Internet à offrir au monde. Ah ben là, il va falloir que tu nous laisses entrevoir un peu plus que ça, là, Fred. Ah, vous allez voir de semaine en semaine. Je vous en parlerai. Comme je dis, là, ça va prendre à peu près un mois avant que je finisse mon projet, là, mais c'est d'après moi le plus gros projet que j'ai jamais fait dans ma carrière de programmeur, parce que c'est mon emploi, si on veut. Voyons, j'ai pas le mot. C'est son gagne-pain de la vie. Mon gagne-pain, c'est ça. Alors, si on passait là-dessus, là, aux nouvelles, à quelqu'un qui a un très bon gagne-pain puis qui a une drôle d'idée, mon Ken, c'est toi qui nous a amené à la nouvelle. Tu l'as lu sur le karaté Bushido, il me semble, qu'on a entrevue, là. Oui, honnêtement, c'est dû réchauffer un peu, Fred, parce que ça fait longtemps. Je me souviens, il y a quelques mois, j'avais entendu ça à quelque part, puis j'avais vraiment pas porté attention. Je pensais que c'était une blague. Et puis, je lis mon karaté Bushido que j'achète régulièrement. Un article de Pascal Iglicki qu'on a reçu la semaine passée. Puis, il faisait une entrevue avec, justement, le Thaïlandais que Jean-Claude Van Damme devrait affronter au cours de l'année 2010. Je suis un peu surpris. Le monsieur a 49 ans. Et honnêtement, je suis sceptique. Est-ce que apparemment le contrat est signé tout ça là, dans l'article qu'on a lu, dans l'entrevue où le Thaïlandais mentionne ça? Puis un peu partout, on parle de ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y se passer de quoi d'ici là. Je pense pas que le combat va se dérouler. Mais quand même, là, il y a quelque chose de surprenant là-dedans. Ouais, ben regarde, moi je connais pas assez la situation. Je connais pas son adversaire, je connais absolument rien de l'histoire à part la rumeur, si on veut. Mais je vais juste dire à Jean-Claude Van Damme que c'est pas le genre de sport que tu veux aller ou que t'as pas d'expérience. Ouais, effectivement, mais il a fait du karaté, tout ça, dans l'époque, il est champion de karaté. Ouais. Il y a des outils. Mais attention, là, c'est pas la même chose. Il y a quelqu'un devant toi qui est un médaillé olympique en boxe, qui est un combattant en Muay Thai accompli. Oh, c'est pas une bonne idée, ça, mon ami Jean-Claude. Quand même, qu'on a tous apprécié, on a pour plusieurs, on a découvert les arts martiaux avec des films de Jean-Claude Van Damme. Il y a eu Karate Kid aussi, il y a eu Jackie Chan, évidemment, Jet Li, Bruce Lee, assurément. Il fait partie de ces gars-là qui ont contribué à l'essor des arts martiaux en Occident puis un peu partout à travers la planète. Et on va essayer de parler à Jean-Claude Van Damme dans les prochains jours. On espère pouvoir le rejoindre puis lui parler de ses projets de films puis lui parler de ce projet, disons, très audacieux aussi. Oui, mais j'allais juste dire en finissant, j'espère que si jamais il connecte un coup, il arrêtera pas pour faire une pause à la caméra. Oui, effectivement. Et son espèce de grand écart et le coup de poing dans les parties qu'on voit à peu près, qui sont classiques, malheureusement, il ne pourra pas utiliser cette tactique-là. Bon, on souhaite bonne chance à Jean-Claude Van Damme, qui est un gars, moi, honnêtement, que j'aime bien. J'ai toujours aimé. J'ai pas écouté ses derniers films tant que ça, là. Quelques-uns. Honnêtement, dans ses derniers films que j'ai vu là, cette espèce de film autodérision un peu sur lui, JCVD, un film, je pense, belge, qui est un film plus pour les intellectuels, où c'est pas vraiment un film d'action, où il y a vraiment une scène là, dans ce film-là où on s'aperçoit que Jean-Claude Van Damme est un très bon acteur. Il y a vraiment une scène là où je pense là c'était une scène là, de grand acteur. Je dirais pas Al Pacino qui est mon acteur préféré là, mais une scène là, vraiment d'acteur. Alors là-dessus, puis je vous invite également à écouter l'entrevue qu'on a fait avec Brice Brice Guidon, qui nous a parlé également de quelques sujets, dont du combat peut-être qui pourrait se dérouler. Puis lui aussi, il était sceptique en 2010, le combat de Jean-Claude Van Damme. Fred, autre sujet, autre chose, parce que ça bouge beaucoup, que ce soit UFC ou Strikeforce, n'importe quelle organisation, WEC, il y a des combats qui sont annoncés, il y a des événements qui se passent. Dis-nous en plus sur ce qui s'est déroulé au cours des derniers jours. Ouais, mais regarde, je pense qu'on pourrait peut-être prendre une autre formule où ce que on pourrait passer un petit regard vite, parce qu'en gros, ça influence les prochains galas à venir. Alors, si on regarde bien vite, là, il y a le gala Dynamite qui a annoncé plusieurs combats qui auront lieu le 31 décembre prochain. Et parmi ceux-là, il y a Alistair Overeem qui devrait affronter Kazuyuki Fujita. Il y a bien sûr le combat entre les judokas de Satoshi Ishii et Hideiko Yoshida. D'autres combats que moi, il va m'intéresser un petit peu. Il y a Akira Ogono qui va revenir. Non, à vrai dire, je pense qu'il a déjà fait un autre combat depuis son KO. Je suis pas sûr. Y a-tu eu un autre combat depuis son KO? Oui, il y a eu une victoire à Akira Ogono. Alors, Akira Ogono, lui, va affronter Sakurai, c'est ça. Alors, il y a quelques combats intéressants dans le Gala Dream 2009. Ouais, on va en parler dans notre émission prochaine, hein, Fred, absolument, qu'il va falloir qu'on détaille cette carte-là vraiment fort. Moi, ça m'intéresse tout le temps, l'événement du 31 décembre au Japon. Il y aura des combats, puis peut-être au cours de la semaine, c'est pour ça qu'on va en parler en profondeur la semaine prochaine, il y aura d'autres combats à ajouter sur la carte. Il y a des gars comme Jérôme Le Banner, Tim Sylvia, Iman Choi, puis d'autres gaillards quand même intéressants qui pourraient s'ajouter sur la carte. Alors évidemment, on va suivre ça de très près au cours de la semaine. On vous invite à surveiller MMANouvelle.com pour tous les dénouements qui vont suivre dans les prochains jours. Puis nous, c'est sûr qu'on fait le tour de la carte dimanche prochain dans notre émission régulière. Assurément, puis moi, évidemment, Ishii face à Hideo Yoshida, deux médaillés d'or aux Olympiques. Ishii qui est tout jeune, Yoshida qui va tirer sa révérence incessamment, certainement. Et d'ailleurs, on vous invite encore une fois, je plug une entrevue, La Voix des Guerriers, qu'on a fait avec Nicolas Gill, qui est pour les Français qui nous écoutent. Nicolas Gill, c'est notre David Douillet, bien à nous. Il a remporté deux médailles aux Olympiques en judo, alors que le Canada, dans toute son histoire, en a rapporté seulement que quatre en judo. Alors, on lui a parlé, puis le gars a beaucoup d'expérience, il s'est entraîné, il a eu la chance de rouler dans le passé avec Satoshi Ishii, puis avec Yoshida, il nous en a parlé. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue-là. Ça va être une bonne mise en bouche pour l'événement du 31 décembre prochain. Puis assurément, on vous en reparle en profondeur dans notre prochaine émission. Oui, c'est ça. Puis après ça, après le Dynamite 2009, on va passer à l'UFC 108 qui lui n'arrête pas de changer malheureusement. Il y a eu encore de nombreuses blessures. Sean Sherk, le plus récent à se retirer de ce gala-là. Là, on dirait que la finale, c'est encore Rashad Evans contre Thiago Silva. Et, ouais, ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est excellent. Mais les autres combats après ça, ça va être Joe Lauzon, Sam Stoud, Paul Daly, Dustin Hazlett, Jim Miller, puis Dwayne Ludwig qui prend la place justement de Sean Sherk. Et Junior Dos Santos contre Gilbert Iville. Qui devrait être aussi, d'après moi, sur la carte principale, là, Wikipédia, je pense, à une erreur en le mettant dans les préliminaires. Ouais, ça va être bon, ça. Ça peut être très, très drôle comme affrontement. Et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été nommé pour remplacer Sean Sherk, il me semble, j'ai vu ça. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est Dwayne Ludwig. Dwayne Bang Ludwig. L'avais-tu mentionné? Excuse-moi, peut-être que tu l'as dit. Puis, oui, je l'avais dit, puis tu m'écoutes pas, excuse-moi. Je suis très insulté, mais c'est pas grave. Excuse-moi, ben, Dwayne Ladouille, on le connaît bien quand même, on l'a vu affronter plusieurs de nos Québécois. Je sais pas, on n'a pas perdu tant au change que ça, là. Ben, effectivement, là, il y a eu des cartes beaucoup plus rehaussées, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand même, 1-2 janvier, ça se prend bien pour digérer tous les aliments un peu trop gras qu'on se sera inséré dans l'orifice buccal. Oui, et après ça, un petit mot vite que Mike Brown, l'ancien champion à 145 livres, il va revenir au mois de janvier, le 10 janvier au WEC 46, et il va affronter un certain Anthony Morrison que ça me revient pas en tête, c'est qui. Non, moi non plus. Mais hey, également, j'espère que tu l'as pas dit parce que je vais vraiment avoir l'air fou. Pourtant, je t'écoute là. Mais il y a Mark de Machine Dominique qui était supposé affronter Yves Jabouin. Mais Jabouin s'est blessé malheureusement. Alors, le duel explosif canadien n'aura pas lieu au moment où on s'était prévu. Oui, malheureusement, t'as raison, c'est ça. Yves Jabouin a eu une blessure, j'ai oublié c'était quoi sa blessure, mais il pourra pas participer, comme tu dis. Après le WEC 46, on va passer vers l'UFC 109, qui lui aussi a perdu un combat. C'est Brandon Vera et Antonio Rogério Nogueira qui se sont blessés et ce combat-là aura pas lieu. Brandon Vera devrait affronter au lieu au mois de... Oh, oui. Au mois de mars, c'est ça, au mois de mars, il va affronter John Jones. Alors ça va être un excellent combat. Hey, ça va être bon, Fred. Ça va être bon. Quelle bonne nouvelle. John Jones, j'en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps. Le gars a tellement de talent. C'est incroyable. Mais là, il apprend quelqu'un qui se débrouille très bien debout, qui est bon pour contrer les défenses amenées au sol. On l'a vu face à Randy Couture. Ça sera pas facile pour John Jones, qui, oui, il a plein de talent, mais le gars, il est pas encore à maturité. Ça fait pas très longtemps qu'il pratique toutes les arts martiaux, que ce soit debout. Évidemment, il a un bon bagage en lutte, mais pour le reste, il a pas tant d'expérience que ça. Là, il va affronter quelqu'un vraiment d'accompli dans plusieurs phases de combat. Ce sera pas un combat facile pour John Jones, mais ça va encore une fois nous indiquer à quel point John Jones peut être dangereux. Et si on verra sa performance, mais s'il est aussi efficace et impressionnant que dans ses autres combats, je pense qu'on va pouvoir penser que c'est un sérieux aspirant pour le titre des 205 livres. Oui, ben je pense que c'est une progression naturelle, une bonne progression pour lui, pour sa carrière. Et tu parlais tantôt, tu sais, d'amener les 100, ben moi j'ai mentionné amener les 155 livres de la WEC à l'UFC et tu disais ils sont-tu prêts, peut-être certains, mais justement l'UFC a beaucoup de combattants et t'amènes un gars intelligemment de même, une jeune star que tu sais qui a un potentiel, c'est pas différent qu'un jeune hockeyeur ou quoi que ce soit, tu prends le temps de l'amener combat par combat dans l'UFC puis à le faire connaître puis tu vas créer encore une bien plus grande star, et John Jones va devenir une star, on est pas mal tous sûrs de ça. Brandon Vera offre un challenge très intéressant, un très bon gars debout, comme tu dis, alors ça va être un combat excellent. Oui, parle-moi de ça, puis qu'est-ce qui se passe d'autre, Fred, dans cet univers tellement magnifique de ce sport-là, qui est tellement formidable, parce qu'il s'en passe des choses en fin d'année, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, j'ai sauté un événement. Il y avait, avant l'UFC 109, il va y avoir le Strike Force, justement, qu'on parlait tantôt au 30 janvier, qui aura lieu à Miami. Puis, Nick Diaz contre Marius Zaremskis, celui qui a gagné le Grand Prix Welterweight, mi-moyen de Dream cette année, cet été. Et il va affronter Nick Diaz, alors on va voir Marius Zaremskis, qu'on dit beaucoup de bien, ça a l'air d'être un gars principalement debout, d'après les faits saillants qu'on voit, alors on va voir qu'est-ce qu'il va faire contre Nick Diaz. Nick Diaz a tendance à vouloir rester debout avec des gars, mais s'il est intelligent et qu'il amène ça au sol, ça peut être fini assez vite peut-être. Oui, certainement, puis avec ses longs segments, ses longs bras, là, Nick Diaz est quand même très dangereux debout. Moi, j'aime bien cette technique de boxe fluide, décontractée, il lance plusieurs coups précis, pas tout le temps avec pleine puissance, mais ses bras sont tout le temps en mouvement, et à un moment donné, il vous touche 3-4 fois, puis le gars, il peut penser, ben, ça fait pas si mal que ça. À un moment donné, pleine puissance, puis c'est terminé. Et là, Zaremskis, je pense que c'est ses jambes, surtout, qui sont très alertes. Mais je pense honnêtement, là, Zaremskis, c'est bien beau, mais on n'est plus dans la même ligne. Là, c'est Nick Diaz. Puis à première vue comme ça, là, Nick Diaz, facile. Oui, puis sur la même carte, comme on disait, il va avoir l'ancien joueur de la NFL, Herschel Walker. Et il va avoir aussi Christian Cyborg Santos. Ça va affronter Marlois Konnen. Il me semble que ça, c'était le combat qu'on était supposé d'avoir à Montréal, ça se peut-tu? Ouais, pour XMMA. Puis lors de cette même carte-là, on était supposé avoir Guillaume De Laurentiis face à Phil Baroni, qui malheureusement avait quitté pour Strikeforce, je pense, à ce moment-là. Puis c'était War Machine qui l'avait remplacé. Ça aurait été tout un événement quand on y pense. Mais là, ça va être au Strikeforce. C'est quand on vous dit qu'au Québec, on a des bons événements. Puis on a également des Québécois qui font très bien également ici. Puis, tu sais, les Georges Saint-Pierre, Jonathan Goulet, David Loiseau, puis j'en ai oublié, Stéphane Vigneault, Steve Vigneault, qui ont fait des beaux combats ici au Québec. Puis on a vu après ça sur la scène internationale. On n'a pas à être gêné. Puis encore, on en a des jeunes talentueux. Guillaume De Laurentiis, on a parlé à Michel Gagnon cette semaine, Mark Blackburn, qui va peut-être faire un retour. On commence à avoir plusieurs combattants de choix ici au Québec. Oui, et juste peut-être une dernière chose sur Christian Santos. Tu vas-tu acheter le Playboy si jamais elle pose dedans? Oh, honnêtement, c'est pas mon genre, là. Mais non. elle considérerait poser dans Playboy, selon les rumeurs. Il y aurait une offre pour elle pour qu'elle pose dans Playboy. Ben, grand bien lui en face. Qu'est-ce que tu veux? Si elle peut aller chercher un peu de sous là, tant mieux, parce que malheureusement, la dernière fois où elle a pulvérisé, là, c'est le cas de le dire, Gina Carano, on a vu, on n'était pas dans la même ligne encore, là, où elle était vraiment dominante, mais Carano est allé chercher beaucoup plus d'argent, et je pense que Santa, si elle peut aller soutirer quelques sous, tant mieux pour elle. Oui, et tu nous as apporté une autre rumeur, toi, cette semaine, où ce que Ricardo Mayorga puis Dean Thomas vont peut-être s'affronter. Oui, Ricardo Mayorga, c'est ce boxeur, oui, qui est en fin de carrière en boxe, mais il a affronté toutes les meilleurs, là, De La Hoya, Trinidad, Mosley. Tu sais, c'est un vrai boxeur là, de haut niveau qui veut faire sa conversion. Ça, Fred en avait parlé, pas l'année dernière, dans les mois, plusieurs mois quand même déjà. On a vu qu'il voulait se convertir en MMA, puis en 2010, il devrait faire son premier combat. Et là, face à un Dean Thomas, si vraiment ça se concrétise ou ça semble bien, bel et bien vrai, ce sera pas un premier combat facile, parce que Dean Thomas, on l'a vu à plusieurs reprises au UFC, c'est un vrai combattant de MMA. Oui, d'autres, quelques signatures rapides. Bellator a mis sous contrat Dan Hornbuckle, celui qui avait eu le super KO face à Akiro Gono. Et l'UFC, malgré les deux défaites de Marcus Davis, l'a re-signé pour 4 autres combats. Alors, c'est deux gars qui vont avoir des combats devant eux, un peu d'argent garanti, si on veut. Et, dans le cas de Marcus Davis, il fait du bon travail quand même. Oui, c'est un gars. Sanders, il a mangé une volée, mais c'est un gars, il est là, il échange coup pour coup, il est spectaculaire, puis il mérite sa place. Oui, les amateurs l'aiment et tout, c'est ça, il y a toujours ça qu'il faut considérer. Aussi mentionné qu'Anderson Silva a repris l'entraînement là, tranquillement après son opération. Il dit qu'il est quasiment remis complètement de sa blessure. Alors, on va voir dans combien de temps qu'on va revoir Anderson Silva. Pas de nouvelles à quand qu'il pourrait recombattre, mais qui a repris l'entraînement, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui, vous savez, on a eu l'occasion de parler à Stéphane Vigneault à quelques reprises, puis on va le faire à chaque fois qu'on va pouvoir le faire, parce qu'à chaque fois, vraiment, c'est vraiment intéressant. Il nous parle de 10 000 sujets, il n'y a pas de problème avec lui. Puis bon, c'est un événement hier amateur qui se déroulait à Montréal, le Fight Quest, et on a parlé grandement de Guillaume Vigneault avec lui, qui est peut-être le prochain à passer au professionnel. Eh bien, vous serez pas surpris d'apprendre qu'il a remporté son combat, que j'ai pas vu, là, je sais pas de quelle manière, mais il a remporté son combat. Oui, et un mot sur Brock Lesnar, il a laissé une vidéo sur YouTube, où ce qui, en tout cas, ça, c'est supposé d'être une photo récente, et on voit qu'il a pas perdu de poids et qu'il maintient la forme, et là, il attend une nouvelle à savoir s'il a besoin d'une seconde chirurgie. Dans le cas qu'elle n'aurait pas besoin, il pourrait revenir à l'action à l'été, sinon ça va aller à plus tard. Je sais pas si tu as des commentaires là-dessus. Ben écoute, l'important c'est qu'il soit en forme. Honnêtement, on peut ne pas aimer le combattant, puis on peut ne pas aimer la personne, mais quand même, là, de là à vouloir vraiment qu'il ait des ennuis de santé, je pense que toute personne raisonnable est contente d'apprendre qu'il semble bien s'en tirer. Puis moi, j'espère le revoir. Puis encore une fois, comme on l'a dit un peu dans les dernières semaines, moi, j'espère que Brock Lesnar va être défait en MMA avant qu'il prenne sa retraite. Ouais, moi aussi. Je pense que le fait que je suis en train de lire que Vancouver a légalisé le MMA a comme excité mes chiens, là. Ils ont commencé une bataille. Alors, c'est ça, Vancouver vient de légaliser le MMA et en 2010, on devrait voir un gala à Vancouver aussi, sûrement au mois de juin, selon les rumeurs. L'UFC débarquerait à Vancouver, l'Ouest canadien, pour la première fois. Puis moi, je vous dis, réveillez-vous, les Français, les politiciens, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des combattants français intéressants de haut calibre, puis ça danse à la Switch là-bas. Moi, je comprends pas. Il va falloir que les politiciens, puis ici aussi, on a des politiciens endormis. En fait, je pense, ça, c'est international. Là, souvent, les politiciens, là, moi, ça, j'ai ça pas de grande confiance en eux. Ça serait une grosse conspiration d'endormis. Ah, je sais pas, mais je suis très déçu, puis j'espère que ça va bien se développer là en France, puis que le MMA soit permis, puis qu'il y ait des combattants français qui puissent se combattre devant leur patrie. On a parlé il y a quelques jours, semaines, je dirais même, notre ami français maudit qui combat, qui s'est entraîné longtemps en Angleterre, là, évidemment, Jess Liaudin. C'était intéressant de parler avec lui, puis je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas encore trouvé qui sera son adversaire, parce qu'il nous a dit qu'il va combattre en France face à un gros nom brésilien, un gars agressif, un gars connu. Alors, n'hésitez pas si vous savez de qui il parlait, parce qu'il n'a pas pu nous confirmer ça, c'est impossible encore pour lui de confirmer. Dès que vous le savez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous vous faire parvenir ce nom-là. Nous, on travaille là-dessus, on veut le découvrir. Évidemment, on a des idées en tête, mais on n'est pas encore sûr à 100%. Puis, on va être les premiers à le savoir, bien évidemment. Ken, quel ring girl était ta préférée de l'UFC? Là, je vais te décevoir, Fred, mais je te dis, là, je regarde pas ça. Moi, quand je regarde du MMA, je veux voir des combattants. Puis, honnêtement, là, je suis déçu. Tu fermes les yeux quand la caméra va sur la fille? Non, mais je suis déçu à chaque fois qu'il nous montre une ring girl, alors que je préférais tellement qu'on soit dans le coin de l'un des combattants pour entendre qu'est-ce que les coachs disent. Pour savoir comment le combattant se sent à ce moment-là. Après un premier round périlleux où un combattant a eu de la difficulté, moi, je veux savoir ce qui se passe dans son coin. Je veux pas voir... Finalement, je sais même pas leur nom. Effectivement, ce sont de belles demoiselles, mais j'aime bien mieux savoir ce qui se déroule dans MMA. Honnêtement, je sais que ça fait partie intégrante du sport, mais je vois pas l'utilité tant que ça. Mais t'as une nouvelle là-dessus, Fred, mentionne-la. Là, ouais, ça a ben, c'est ça, il y a deux ring girls qui ont reçu leur congédiement de l'UFC. Là. Il va y avoir un changement pour le prochain gala. Alors, Logan puis Natasha, la toute nouvelle, elle a pas duré longtemps, quelques mois, et elle est déjà partie. Il y a une nouvelle qui va arriver, j'ai oublié son nom, là, mais elle est très jolie comme toutes les autres, alors j'ai hâte de la voir. Alors, pour ceux qui parlent, tu me demandes comment ils vont faire pour payer leurs cours de droit. C'est la seule question que je me pose pour l'instant. Ben écoute, la grosse nouvelle, Fred. Ah, moi j'aime plus la théorie que pour s'habiller comme ça en public, faut pas aimer son père. Bon, à part de ça, je pense que ça fait pas mal le tour des potins nouvelles. Fred, à moins qu'il y ait autre chose. Ouais, ben Bobby Lashley, là, il a signé avec Strikeforce, peut-être pour finir, là, puis c'est à peu près tout cette semaine qui s'est passé dans le monde du MMA. Une autre belle semaine, là. Alors, pour finir, toi, tu voulais peut-être mentionner quelques affaires localement, ou je sais pas. Oui, mais écoute, qu'est-ce que tu dirais qu'on se fasse une dernière pause, qu'on reprenne nos souffles, puis qu'on revienne, puis on finit l'émission 5-6 minutes, là, puis on conclut ça, mais avant, parce que je voudrais pas que nos auditeurs nous quittent comme ça sans entendre une autre de tes mielleuses musiques douces qui vont le permettre aux fines oreilles de nos auditeurs de se procurer des moments de bonheur. Alors, on vous donne un dernier moment de bonheur sonore. Par la suite, on va revenir, conclusion de l'émission. On a deux, trois petites choses à dire probablement. Puis, ce sera terminé. À tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine? Évidemment, vous préparez vos cadeaux de Noël et tout ce qui entoure ça. Et heureusement ou malheureusement, il n'y aura pas de gros gala vraiment la semaine prochaine. Donc, on vous présente pas de cartes. Ça se termine pas mal ainsi, mais avant ça, il faut se préparer pour le prochain événement, lequel vous pouvez parier quelques crédits virtuels sur mmanouvelle.com parce qu'il y a un événement au Japon. Nos amis les Japonais préparent un événement annuel d'habitude le 31 décembre pour clore l'année qui est tout le temps intriguant et intéressant. Vous pouvez miser sur quelques combats, dont évidemment le duel de judoka entre Satoshi Ishii et l'autre japonais, Hideko Yoshida. Misez là-dessus, c'est le temps de faire vos mises. Il y a Alistair Overeem qui affronte l'expérimenté Kazuyuki Fujita. Akihiro Gono qui a fait quelques combats dans le UFC. Pas très concluant, il s'est en est retourné au Japon. Mais le gars a un bon bagage. Il affronte un autre gars solide. Et il y a Koto Sakurai qui a vaincu notre ami Shinya Aoki cette année. Ramo Thierry Sokoju face à Ikuiza Minowa pour le gala, le tournoi Super Hulk. Alors c'est ça que vous avez à faire cette semaine. Quelques paris. Et malheureusement, heureusement, le meneur, qui est le meneur à l'heure actuelle? Suis le meilleur, man. Oui, alors je suis le meilleur, c'est le nom que c'est donné, je suis le meilleur. Mais je vois, il y a beaucoup de fluctuations. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent dans le top 10 de semaine en semaine. J'en vois à peu près qu'un. Et c'est un gars, je pense, qu'il faut féliciter sa sagesse et son bon travail. Il a comme prénom Ken. Ouais. Mais tu vois, moi je vois ça d'un autre œil. Je pense que j'ai donné l'outil au monde entier pour comprendre qu'il faut pas gager. Pas de la vraie argent. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça le fun qui est plaisant, là. C'est qu'on s'amuse, mais en même temps, c'est gratuit. Ça, c'est intéressant. Et, félicitations à Je suis le meilleur qui a pris la tête du classement. Devant Agathor, qui était le premier, je pense, la semaine passée, c'est ça? Oui, il me semble que c'était lui. Ça, comme tu as dit, ça fluctue tellement d'un événement à un autre. On a des joueurs qui sont courageux. Je pense qu'ils gagent tout sur un combattant. Le dernier événement, c'est Chuck Kongo qui a coûté cher à beaucoup de monde. Puis là, cette semaine, c'est Kong Lee qui a coûté extrêmement cher parce que au début de la semaine, j'ai été pas mal occupé puis j'ai pas eu le temps de jouer avec les cotes plus que ça. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent mis sur Kong Lee. Alors, j'ai fait un bon coup. Oui, et puis il y a toujours le quiz qui peut vous divertir pendant le temps des fêtes. Il y a quelques quiz. Il faut aller sur le forum, puis ensuite vous allez dans le jeu, le quiz. Il faut vous inscrire sur le forum. C'est votre seule implication qui est demandée. Il n'y a aucun frais. Mais ensuite, vous pouvez tester vos connaissances en MMA. J'ai une suggestion pour l'année 2010, Fred. C'est de pas inscrire le sujet du quiz. Parce que je suis sûr que quelques tricheurs qui sont devant moi, qui s'en vont s'informer avant de jouer au quiz sur le sujet en question. Alors, c'est pour ça que je suis pas premier. Ouais, ça doit être ça. Mais non, le quiz, il faut que j'y retourne un peu aussi de faire quelques améliorations et tout. Mais il est là, il faut que je rajoute aussi. Lâchez-nous pas, il y a toujours des choses qui vont grandir sur mmonouvelle.com, tant que je suis là en tout cas. Oui, il y a de la joie à se procurer grâce à tout ça. Effectivement, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions qui simultanément, qui font en sorte évidemment que ça va peut-être pas tout le temps aussi vite que certains le voudraient. Mais écoutez, on essaie vraiment d'améliorer les choses. Ben moi, mon implication se trouve à la voix des guerriers. Mais Fred, évidemment, il y a 10 000 choses là, qui tournent autour de son site MMA Nouvelle. Évidemment, ça roule. Inquiétez-vous pas, on vous a pas oublié pour le temps de la renommée. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui attendent ça avec impatience. Mais évidemment, Fred, puis moi aussi, je pense qu'on veut que ça soit bien fait. Ça va prendre le temps que ça prendra. D'ici la fin 2010, de toute manière, on n'est pas pressé. Fred est en bonne santé. Moi, j'ai parlé à Gisèle, ma voyante. Je meurs pas en 2010. Alors, inquiétez-vous pas. Ça aussi, ça va avancer. Puis on attend avec impatience également le nouveau projet de Fred, dont elle nous en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Alors, des belles choses qui arrivent pour l'année 2010 sur mmanouvelle.com. Du côté de la Voix des Guerriers, On vous invite également à écouter nos entrevues. Évidemment, il y a beaucoup de stock et parfois, vous n'avez probablement pas le temps. Puis peut-être que vous n'avez pas tout le temps l'intérêt d'écouter toutes les entrevues. Ça, on vous comprend. Et par contre, si à l'occasion, vous avez manqué des bouts et vous voulez écouter une entrevue en question, il y a un moyen assez simple de le faire. C'est dans la barre de recherche en haut à droite de la page d'accueil. Vous pouvez inscrire le nom d'une personne qu'on a interviewée, reçue, que vous voulez entendre l'entrevue, ou simplement inscrire la voix des guerriers. Et puis là, vous allez trouver toutes nos entrevues qu'on a fait précédemment avec des gars comme Jérôme Lebanner. On vient de faire Brice Guidon, qui, je pense, pour nous, les Québécois, on le connaissait pas. Et ça a été une belle découverte. Le gars est articulé, très intéressant. On en a fait Guillaume de Lorenzi. Puis là, je veux pas tout les nommer, parce que ça, j'en oublierai, puis je veux pas en oublier. À date, ça a été tout le temps hyper intéressant. Puis il y a d'autres entrevues qui vont vous attendre au cours des prochaines semaines. Avec, il y a des gens, on l'espère, qui vont vous intéresser. Si vous avez des suggestions, à quel que soit le niveau, faut vraiment pas se gêner. Vous voyez, Fred est à l'écoute de ses lecteurs, puis à chaque fois, il essaie de porter des changements, des modifications pour être le plus possible à la fine pointe de la technologie, pour faire en sorte que vous soyez heureux, pour avoir du plaisir. Et puis, c'est notre rôle, évidemment, nous, on fait ça pour avoir du plaisir. Puis, si vous aimez ce qu'on fait, bien évidemment, on va se donner corps et âme pour vous rendre le meilleur contenu possible. Et on a besoin de vos suggestions, vos commentaires et opinions pour que cela puisse se produire. Fred, un mot de la fin. C'est pas notre dernière émission avant Noël, oui. Alors, tu as sûrement quelques mots pour tes lecteurs et auditeurs. Ouais, ben joyeux Noël, Ken, puis j'attends ma TV 64 pouces là, que tu m'as acheté. Ah, ça m'étonnerait, mon garçon. Honnêtement, moi, j'ai un tout petit téléviseur, là. Je suis vraiment pas équipé. En fait, je me suis jamais acheté de téléviseur de ma vie. Je suis vraiment pas à la fine pointe de la technologie, moi. C'est à peine si Internet, là, je suis vraiment pas adapté là-dessus. Moi, je suis un homme des cavernes, mais je vous souhaite de passer un joyeux Noël ou de joyeuses fêtes, quelle que soit votre religion. Peu importe, passez du bon temps à famille. Si vous êtes seul, c'est pas grave. Passez votre temps des fêtes sur mmanouvelle.com. Puis il y a tellement de choses là-dessus qui vont pouvoir faire en sorte que vous allez passer un moment agréable, que ce soit sur le forum où vous allez avoir accès, comme on vous l'a dit, au pari virtuel, au quiz, il y aura des entrevues. Bon, on en a fait plusieurs, probablement que certaines ne vous intéressent tellement pas, mais je suis convaincu qu'il y en a au moins quelques-unes qui peuvent être intéressantes pour vous. À moins que vous nous trouvez très poche, et ça c'est possible aussi. En tous les cas, on vous souhaite de passer des moments agréables. Et sinon, nous, on se reparle le 27 décembre prochain, évidemment, pour notre prochaine émission « La voix des guerriers », édition bien standard, normale, où on aura pour vous une présentation de la carte du K1 Dynamite qui aura lieu, comme on vous l'a dit, le 31 décembre prochain. Puis également, on va vous parler du UFC également 108. Alors, plusieurs choses pour notre prochaine émission. D'ici là, passez du bon temps. Et à Fred aussi. Bye tout le monde.